aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Et aujourd'hui, je suis avec notre Victor National qui revient tout droit d'Italie. Bonjour Victor. Ciao. Comment ça va? Ça va bien. Tu parles, t'es full bilingue italien maintenant. Et ouais, j'ai appris le nombre exceptionnel de deux mots. Bravo, tu as appris très vite. J'espère que vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42 parce que, comme à chaque fin de mois, on revient sur tout ce qui s'est passé, les infos, les actus, les trucs que vous avez manqués, parce qu'aujourd'hui, on rattrape le mois de juin. À quoi tu penses ? Je fais ce que je fais à cause de mon père. C'était un héros. Il a sacrifié sa vie dans sa quête du savoir. Contrôle, vous captez ça ? À vous. Angels. You have a new client? Who is she? I can't sleep at night. I'm the lead programmer on a product that can revolutionize the power industry, but there is a possibility it can be weaponized. Elena, we need to go. You're not a waitress? No, I'm Jane. Oh. Tu es un jouet. Tu appartiens à Bonnie. Et eux, ce sont tes amis. Woody, j'ai une question. Pas qu'une seule, en fait. J'ai tout plein de questions. Qui veut partir en camping-car? Moi! C'est vacances! Tu veux un coup de main? Non, ça va, j'ai... Je sais que ça peut vous paraître curieux, mais nous tous là, on doit faire bien attention qu'il ne lui arrive rien. Woody! Là, il lui arrive quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu pendant ce mois de juin? Il y a eu plein de choses, notamment... Alors, j'ai essayé de faire ça bien ce mois-ci, j'ai séparé en petites catégories. Première catégorie, c'est les news un peu random et pas vraiment des annonces, mais un peu des annonces quand même. La première que j'ai notée, c'est une annonce qui concerne quelqu'un pour qui on a un très grand amour, cette phrase n'est pas française, qui concerne The Rock, qui va jouer le personnage de Black Adam dans le film Black Adam, et ce... C'est la version sombre de Kev Adam, c'est tout ça. J'avais Mac Adam, moi je savais pas comment faire de vanne sur ça. Qui n'avait pas encore de réalisateur, qui a eu plein de soucis de prod, de pré-prod et tout, et qui a enfin trouvé son réalisateur en la personne de Jaume Colesera, et non pas Colesere. Je sais pas si j'ai dit son prénom correctement. Oui, oui, c'est... Et donc, le gars qui avait réalisé, il me semble, le film de requin avec Blake Lively, et un autre film dont j'ai oublié. Aston Survie, il a réalisé son dernier film là, c'était The Passenger avec Liam Neeson. Exactement. Donc c'était Speed mais dans un train. Et ben c'est lui qui va réaliser Black Adam. Et oui, donc moi je suis plutôt client, c'est aussi lui. Enfin, il va le réaliser Black Adam, mais après Jungle Cruise. Oui, aussi avec The Rock. Le Disney qui est avec The Rock et Jesse Plemons et Emily Blunt. Donc très curieux. Moi c'est. J'avoue. C'est quelqu'un que j'apprécie bien. C'est des petites séries B qui se regardent sans déplaisir du dimanche mais soir. Mais du coup, je me demande ce que ça va donner transposé sur un gros film DC super-héros, enfin super méchant du coup. Sachant que Shazam, moi j'avais surkiffé. Mais Shazam, tu vois, je pense que. Parce que c'est dans le même univers que Shazam. Hein, je bah oui, c'est pas. Le méchant de Shazam, Black Adam. Enfin, c'est un des ennemis de Shazam. Et en fait, moi je suis plutôt intéressé parce que. Shazam, c'était quand même très modeste en termes d'effets spéciaux, en termes d'action. Il se passe pas énormément de choses. Puis il est court comme film. Enfin, pour un film de super-héros, maintenant, je trouve qu'il est court et c'est un bon divertissement que j'ai vraiment beaucoup aimé et tout. Mais genre, il n'y a pas de grandes ambitions de faire. Du coup, je pense que pour Black Adam, si ça reste dans cette même veine-là, ça peut être une bonne idée. Ouais. Ça peut être très cool. On va rester sur The Rock avec l'annonce du début du tournage de Fast and Furious 9. Mais il me semble qu'il ne sera pas dedans. Non, mais comme il est dans Hobbs & Shaw qui arrive très très très bientôt, si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie. Comme il est dans Hobbs & Shaw, du coup, Fast and Furious 9, magnifique transition avec que John tu Cena. M'as répété avec John c'est Cena. C'est le remplacement. C'est le nouveau The Rock, ouais. Mais personne ne remplace The Rock dans nos cœurs. Sans transition, une autre news qui est sortie ce mois-ci, c'est la ressortie d'Avengers Endgame aux États-Unis. En France, je ne sais pas s'ils vont le ressortir. Si, je crois qu'il y a des séances. Ah, je ne savais pas. Je pense. Ils ne le ressortent pas juste comme ça, sans rien. Ouais. Ils sont malins. Et oh, attends, dans les studios Marvel, ils ressortent avec une scène coupée et quelques petites surprises, notamment, je crois... Mais il ne faut pas les dire si c'est des petites surprises. Non, mais je crois qu'il y a une scène en plus post-générique, enfin un truc comme ça. Mais vraiment... genre limite 3 minutes de plus. C'est un extrait de Spider-Man Far From Home qui sort demain au moment où on enregistre ce podcast, donc merci les gars, c'est un peu tard pour ça. Moi je trouve que autant j'ai vraiment beaucoup beaucoup beaucoup aimé Avengers Endgame et j'aime beaucoup le MCU et tout, je trouve que c'est un peu un gros forcing de on veut passer devant Avatar au box-office et on veut l'argent quoi. C'est vraiment que pour ça. Oui, sinon, il l'aurait sorti sur le DVD, il nous aurait pas fait chier le ressortir en Mais tout comme la démarche avait été faite par Avatar, qui voulait lui aussi devenir le numéro uno du box-office, ils avaient ressorti Avatar, il y a eu des excuses du style « Ouais, mais c'est pour permettre aux salles qui n'ont pas encore transitionné vers le numérique, la 3D, de pouvoir leur sortir, et tu crois moyen, c'est... » Ouais, c'est vraiment machine à sous, quoi. Donc, C'est un peu cracra, je trouve, un peu dégueu, capitalisme, on veut l'argent, quoi. Bah, après, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est une industrie, mais... Mais ça n'a pas l'air d'avoir marché de démasse. Hein. En France, j'en entends pas vraiment parler. Et aux États-Unis, ça non plus, ça a pas. En même temps, il y a genre, je sais pas, 3-4 minutes de plus. C'est tout. Merci les gars, j'achète le DVD. Encore une fois, sans transition aucune, des petites annonces de nouvelles choses qui vont arriver. Moi, je suis très heureuse de t'annoncer, Victor, qu'il va y avoir une série spin-off. Un grand film qui va arriver, mais qui est déjà sorti nombre de fois, moult fois. Dune. Et on y voilà. Bien. Mais donc Dune de Denis Villeneuve qui va arriver bientôt avec Timothée Chalamet, tout ça, on en a déjà parlé. Et la série spin-off de Dune va aussi être de Denis Villeneuve. Alors je sais pas si c'est réalisé par lui ou produit par lui, mais dans tous les cas, il est dans les tuyaux. Et cette série va encore plus me plaire. Enfin, me donne encore plus de rêves et de promesses parce que cette série s'appellera Dune The Sisterhood, donc la sororité, et elle va suivre une mystérieuse sororité appelée... Ça se passe dans une fac j'espère tellement Greek facs, mais en mode facs Dune dans trop Dune, bien ouais. Ça doit être chelou. Les sororités là-bas, je sais pas si t'as vu la vidéo de toutes les meufs, tu sais, de la sororité, genre il y a deux meufs d'une sororité qui ouvrent deux portes et t'as plein de meufs genre en mode pyramide, tu sais, les unes sur les autres qui font un chant de sororité et tout. On dirait un film d'horreur, c'est effrayant. Donc bref, cette série va suivre une mystérieuse sororité appelée Bene Gesserit entre bail politique et intergalactique. Ça fait vraiment nom de sororité en plus. Ça me fait penser à Benedicta, les sauces, la maillot et tout, donc c'est... voilà. Entre bail politique et intergalactique pour arriver jusqu'à la planète Dune. Et pour l'instant, c'est vraiment pas en production, c'est juste une annonce, mais moi ça me vend... beaucoup de rêves. Est-ce que toi tu t'en fous un peu de Dune ou est-ce que t'en as quelque chose à faire? J'attends de voir le film de Villeneuve, hein, ouais. Et voilà, après... C'est vrai que le Lynch, toi et... Ouais, désolé ça fait, David, hein, ça on fait s'aime juste d'amour, mais... Ah non, qu'on doit faire un épisode dessus. Une autre annonce d'un film qui va arriver prochainement, un film que tu n'aimes pas particulièrement non plus, c'est le préquel de Kingsman. Super. Très judicieusement appelé The Kingsman. Man. Ah bah c'est aussi l'homme du roi. C'est aussi subtil que les films de Matthew Vaughn. C'est donc aussi subtil que Kingsman 2 et la fin du 1. Remember la scène du tracker, hein. On n'oubliera remember, jamais. Ouais, hein. Voilà. qu'est-ce que on s'en fout, non? On un peu. Fout, on voilà, s'en on s'en beaucoup. Fout, on passe à Next. Autre chose. Next, quelque chose de comme plus dirait l'émission. Oh, putain, j'adore Next. Je veux un revival de Next. J'espère que dans le prochain rattrapage, je parlerai d'une annonce, d'un reboot de Next. Prochaine annonce, un nouveau film annoncé et le prochain Pixar qui s'appellera Soul et qui sera un voyage dans les rues de New York, depuis les rues de New York jusqu'au royaume cosmique de la découverte des questions des réponses, des questions les plus importantes de la tellement vie. Tellement charmé que Terrence Malick face à Pixar. J'avoue, non, mais on dirait tellement du Terrence Malick ou du Darren Aronofsky, mais en moins... moins cracra. En moins crado, ouais. Mais moi, j'ai très hâte parce que j'aime beaucoup Pixar. Je crois que tout le monde aime beaucoup Pixar. En même temps, c'est pas exceptionnel d'aimer Pixar, tu vois. Mais j'ai hâte de voir ça. Ma curiosité est piquée. Elle est pixée. Elle est pixée, exactement. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Après, tu me connais, j'aime beaucoup les petites rumeurs d'Hollywood. Je suis un peu... S'il y avait un closer spécial anecdote de tournage, je l'achèterais tous les mois. J'en avais déjà parlé dans des précédentes émissions. Daniel Craig et le tournage de James Bond, ce tournage maudit. Alors, sa fille, elle va mieux. Il va mieux, il a repris le tournage et tout. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Daniel Craig, c'est pas une star qui s'est fait mal. C'est un technicien, ou une technicienne, je sais pas, qui a été blessé à la suite d'une explosion sur le tournage. Parce que, ben oui, parce que forcément, c'est James Bond, il y a des choses qui explosent. Sauf que là, c'est con, ils ont pas contrôlé l'explosion. Du coup, bah, il y a eu un technicien blessé. Et du coup, ça fait chier, parce qu'ils doivent encore décaler le tournage du film. Alors après, moult réécritures et des changements de réal, et la blessure de Daniel Craig, et plein de trucs comme ça. C'est encore une petite cerise sur le gâteau de malédiction de ce tournage, et j'espère vraiment que plus tard, dans des années et des années, on parlera de ce tournage comme le pire tournage de James Bond, et ça sera pierre angulaire de la malédiction des tournages. Moi, j'avais aussi vu une news comme quoi le réalisateur du film, il excédait les techniciens et les acteurs, parce qu'il s'isolait pour jouer aux jeux vidéo. Donc, il est con, putain. Alors, apparemment, il a dit que c'était pas vrai. Bah, en même temps, il va pas dire oui, totalement. Mais je repense à un tweet qui disait non, mais il a dit qu'il jouait pas aux jeux vidéo, mais par contre, il a dit juste après qu'il s'isolait pour faire des petits smash. Bah, franchement, pour se relaxer entre deux prises. À mon avis, on va voir Daniel Craig. Bon, Moi, j'attends de voir le James Bond qui fait une danse Fortnite, tellement il est inspiré. On parlait de Shazam, il y a ça dans Shazam. Hein. Imagine James Bond qui flosse. Non, mais là, j'ai très hâte de voir ça. J'espère qu'il se passera encore un truc le mois prochain dont je parlerai certainement dans le prochain intrépage. Mais en tout cas, ça ravit beaucoup ma partie de curiosité malsaine et je m'investis beaucoup trop dans ce tournage. Sans transition aucune, encore une fois, parce que j'ai vraiment aucune inspiration. Il n'y a pas de hiérarchie, de continuité. Ouais, non, on s'en fout, il n'y a pas de code, on brise les codes, on est comme ça dans la salle 5. Sans un bruit d'eux, déjà... on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Mais il commence à y avoir des rumeurs. Des talks, des rumeurs, comme quoi Brian Thierry Henry, à ne pas confondre avec le joueur français Thierry Henry, qui... J'avais jamais fait... Mais j'y pense tout le temps, comment tu peux ne pas penser à ça? Donc apparemment, c'est des rumeurs, mais il serait dans le cast de ce prochain opus de Sans un bruit, que moi je trouve un peu inutile, mais j'attends de voir quoi. C'est surtout qu'ils ont eu l'idée débile, alors qu'on adorait tous dans le premier, qui était de dire... Les monstres sont là, pas la peine de donner d'explications. Et là, ils disent, on va tout vous expliquer, mais on s'en fout. C'est pour ça que je suis très, très dubitative. S'il y a Paperboy qui débarque, voilà. À voir, moi je demande à voir. On va retourner aux super-héros, parce qu'en plus, on parlait de super-héros, on parlait de Spider-Man, on parlait de Shazam, on parlait de super-héros. Mais apparemment, dans les studios Marvel, il y a des petites rumeurs. Mindy Kaling, que vous connaissez très certainement de The Mindy Project ou Ocean's 8 ou The Office, aurait une discussion avec certains dirigeants, certains prods, certaines personnes des studios de Marvel à propos du personnage de Kamala Khan, alias Miss Marvel dans les comics, et de sa potentielle apparition à l'écran, donc petit ou grand, on ne sait pas. Elle a dit que si elle pouvait les aider de quelque façon que ce soit, elle le ferait, parce qu'elle aime vraiment beaucoup ce personnage et elle aimerait vraiment beaucoup la voir à l'écran. Et apparemment, ils ont l'air intéressés et ils essaient de faire quelque chose avec elle, donc il n'y a rien de concret, c'est vraiment juste des discussions de couloir et tout, mais ça me donne beaucoup d'espoir pour ce personnage que j'aime beaucoup et qui, je pense, je vais faire ma SJW walk, hein, attention, quittez ce podcast si ça vous fait chier, mais je pense que ça serait vraiment intéressant et voire important de voir un personnage comme Kamala Khan, qui est une super-héroïne qui porte le voile et qui est musulmane, à l'écran, d'autant plus que c'est une Miss Marvel et qu'on a eu Captain Marvel il n'y a pas longtemps et que du coup il peut y avoir potentiellement... Enfin, ça peut être logique à ce qu'elle arrive dans l'univers étendu. Mais oui, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. Et pour rester sur le thème Marvel MCU Studio, ce mois de juin, c'était aussi le mois de la très grande, de mon amour de convention de jeux vidéo, l'E3 ou l'E3, la plus grande convention de jeux vidéo du monde qui se passe à Los Angeles. Hashtag Kinyu. Exactement. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le dernier trailer de Cyberpunk 2077, que j'attends beaucoup par ailleurs, ça vous vous en foutez, mais je le dis quand même, avec une petite apparition surprise de Keanu Reeves à la fin, donc désolé, on vous l'a spoilé si vous avez toujours pas vu ça, mais je pense que tout le monde l'a vu. Et moi j'ai une question. Et quoi ? Est-ce qu'il y avait un trailer de Beyond Good and Evil 2 ? Non. C'est la seule chose que je dirais. Comme tous les jours, donc il est apparu... quelques microsecondes à la fin de ce trailer, et pour revenir à Marvel, découle de ce, comme c'était un peu le mois de Keanu depuis ce trailer, Kevin Feige a du coup il a pris les devants et il a dit qu'il adorait Keanu Reeves, enfin comme tout le monde quoi, et que à chaque film du MCU en fait il lui parle pour qu'il y ait quelque chose, et apparemment il est dans les petits papiers des studios Marvel et ils essaient vraiment de l'inclure dans un film, donc préparez-vous à le voir incessamment sous peu dans un Marvel. Ce n'est pas les petits papiers qui... Ce n'est pas Keanu Reeves qui est dans les petits papiers. C'est les petits papiers qui sont dans Keanu Reeves. Alors, donc, je voulais faire la de Keanu Reeves fact, mais ça préfère un titre. Très bon titre. Attendez-vous à voir, enfin préparez-vous à voir Keanu Reeves dans le MCU très bientôt. D'ailleurs, vous pouvez nous laisser en commentaire, il n'y a pas de commentaire sur les films, je sais, mais vous pouvez nous dire si vous avez des pronos de qui il pourrait jouer, des envies de qui il pourrait jouer. Est-ce que tu as d'autres news, d'autres annonces qui se sont passées en ce mois de juin ? Il y a certainement plein d'autres trucs, mais j'essaie de prendre les trucs peut-être que les gens auraient pu manquer, mais sinon il s'est passé plein d'autres trucs, mais bon. Moi, une news que je trouve plutôt sympa, c'est de voir que Parasite cartonne en France, oui, en oui, 800 000 entrées. Bien sûr. Dont on a parlé complètement ouf dans l'émission de juin, que vous pouvez écouter. Pardon, ça fait Victor est en train de gerber sur le micro. Non mais oui, là, c'est super cool qu'il marche en France, surtout. Je sais pas s'il marche aux États-Unis. Non, parce que c'est un film et ça marche pas. Attends, on dirait la blague des Sims. Est-ce que votre frigo marche ? Eh ben, vous devriez l'attacher. Merci les Sims. Putain, je m'en doutais que ça allait te faire rire. Non, mais y'a que toi que ça fait rire, cette blague. Donc oui, Parasite marche, c'est très cool. D'ailleurs, non, même pas d'ailleurs. Même pas... C'est un peu grâce à la salsa qu'on pourrait se jeter des fleurs. Bah oui, non, mais attends, les 25 personnes qui nous écoutent, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, vous êtes allés voir Parasite 100 000 fois en salle et du coup, ça marche. Bravo, bravo, on vous aime très fort. Qu'est-ce qui est sorti comme trailer dans ce mois de juin ? Plein de trailers, mais j'en ai retenu quelques-uns. Le trailer de Ad Astra de James Gray, dont ça a l'air cool. Ça a l'air un chef-d'œuvre. James Gray qui réinvestit. Dis les mots. Encore un genre de cinéma. Il avait fait le film de mafia, le film d'aventure, et là il te fait le film de science-fiction. Mais moi, je t'as des étoiles dans les yeux. J'ai des étoiles dans les yeux justement, mais c'est on est ah bah oui, totalement dans le ton. On est dans le thème. Puis en plus, voilà, il y a la petite vibe Space Cowboy parce qu'on retrouve Tommy Lee Jones et Donna Sutherland. Il y a l'air d'avoir des bastons, une fusillade sur la Lune quand même. Donc, je sais pas si c'est scientifiquement possible. Oui, ça mais... doit être complexe. C'est les balles, elles volent, t'es pas touché. Mais j'ai hâte de voir ça. Voilà, ouais, ça va être le grand film cool. de l'année. Voilà. Peut-être moins un grand film de l'année, il y a eu le trailer de Doctor Sleep aussi qui est sorti. Bah, ça porte non. très bien son titre. Hein, parce je pense aussi, ouais, ça va être le sommeil. Parce que absolument. Le sommeil, alors Mike Flanagan, voilà, The Haunting of Hill House, c'était chouette. Oui, alors Doctor Sleep, pour ceux qui ne savent pas, c'est la suite de Shining, c'est ça ? Ouais. Enfin, c'est basé sur le livre qui est la suite de Shining, le livre. Ouais. C'est pas la suite immédiate du film. Et ouais, Osef Survin, vraiment. Exactement, Osef Survin. Voilà. Même si j'aime beaucoup Ewan McGregor, mais voilà. C'est tout. C'est OSEF sur 20, voilà. Un truc un peu moins OSEF, pour moi en tout cas, c'est le trailer de Charlie, c'est drôle, Charlie's Angels, qui est sorti il y a très peu de temps, et qui me vend beaucoup de rêves. Déjà, les 20 premières secondes, j'étais déjà on board, je veux ce film maintenant, tout de suite, là, maintenant, tout de suite, maintenant. Avec Kristen Stewart et les deux autres, j'ai oublié leur prénom parce que je retiens que Kristen Stewart. Et ben voilà, on fait pas de recherche. Il y a Elizabeth Banks. Elizabeth Banks qui est la réalisatrice et qui joue Bosley. Et Patrick Stewart joue Charlie. Patrick Stewart qui joue Charlie. Qui va reprendre le flambeau de ce cher Bill Murray. Voilà. Pas simple, mais c'est Patrick Stewart donc. Finger in the Nose. Et les deux autres actrices, je suis désolée, j'ai oublié leur nom, mais je les aime beaucoup. D'ailleurs, il y en a une des deux qui c'était Jasmine dans le Aladdin qui est sorti récemment. Celle qui chante Speechless, là. Et qui était aussi dans Power Rangers. Ok, cool. Et l'autre, je ne sais plus du tout son nom, et c'est une British, je crois. Mais oui, ça a l'air très cool, ça a l'air très frais, enfin très bien réactualisé, je trouve. Après, c'est qu'une bande-annonce, mais en tout cas, j'ai beaucoup de hype pour ce film. Est-ce que tu as vu d'autres trailers qui t'ont marqué, qui t'ont titillé? Qui m'ont titillé? Non, j'en ai pas là. C'était vraiment Ad Astra qui. Ad Astra qui t'a marqué. Voilà. Je sais absolument pas quand est-ce que ça sort, mais. En fin d'année. Charlie's Angels, je sais pas non plus quand est-ce que ça sort en France, je sais pas s'il y a une date. Mais. Googlez, renseignez-vous. Voilà, on vous donne les infos, vous faites le reste du travail. Est-ce qu'on passerait pas à nos recommandations? On passerait Allez, bien. Allez, on passe à nos recommandations. C'est la solution de tous nos problèmes. James, c'est impossible, on ne pourra jamais. Je ne me souviens plus de toutes ces histoires. C'est tout ce qu'elles étaient, des histoires. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes de ce mois de juin que tu as apprécié, vu, aimé, qui t'a fait ressentir des choses incroyables? Film, tout confondu. Alors, déjà, il y a un petit court-métrage d'un quart d'heure que je trouvais plutôt chouette, qui est l'occasion de la sortie du nouvel album de Thom Yorke, qui est réalisé Anima, donc réalisé par Paul Thomas Anderson, c'est disponible sur Netflix, et c'est un petit court-métrage d'un quart d'heure. Alors, ça fait gros spot de promo pour l'album de Thom Yorke, bien évidemment, c'est le but, mais c'est vraiment un petit... C'est loufoque, c'est très touchant. Thom Yorke, il rappelle Adam Sandler dans Punch Drunk Love. T'en as plus marre de Thom Yorke qui gueule comme dans Suspiria? T'en avais voilà, marre de l'entendre brailler? Oui, là ça va, tu vois, j'accepte. je dis oui, vous, c'est chouette, quoi, j'ai pas pinaillé dessus. Au début, j'étais pas chaud, je me dis, j'ai vu les trois premiers, j'étais genre, ouais, mais faut jamais et se faire après, d'accord. J'étais genre. Ensuite, en série, c'est une série alors, qui est sortie sur MyCanal et qui a été diffusée sur la BBC, qui est Years and Years, de Russell T. Davies. Ouais. Et pour moi, ça enterre définitivement Black Mirror, oui, totalement. Voilà, un pavé dans la mare, quoi, direct Netflix. Voilà, hein, voilà. Je ne dirai pas les mots. voilà, parce que Years and Years, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est génial. Pitch-nous vite fait ce que c'est. Alors, Years and Years, c'est. On est en 2019, on suit une famille à Manchester, une famille de classe moyenne. Voilà. Enfin, ouais. Ça dépend lesquelles. Ouais, parce que la grand-mère, elle est quand même sacrément riche. Hein. Et qui va tout simplement apprendre au fil des épisodes qu'ils vont subir les changements politiques, les changements de crise, les changements sociopolitiques. Et ce panel assez large de personnages, donc on a plusieurs sujets qui sont traités. L'homosexualité, la crise des migrants, on a le chômage, on a... tous les boulots ultra... La guerre aussi. Quoi ? La guerre. La guerre, le populisme... Le transhumanisme, plein de trucs comme ça. Et en fait, alors ça n'y va clairement pas avec le dos de la cuillère. Ah bah, c'est les British, hein, c'est pour ça que je les aime. C'est pour ça que Black Mirror, les deux premières saisons, qui étaient des saisons anglaises faites sur E4, étaient vachement, je trouve, pour moi, vachement mieux que les saisons Netflix. Parce oui, que c'était british, c'était écrit par des anglais et tout, c'était full british, quoi. Ça, c'est pas subtil du tout, et parfois, on peut un peu grincer des dents en disant... Vous êtes... Ça dépend, ça dépend. Mais voilà, c'est pour ça. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien écrit, j'aime beaucoup ce scénariste, c'est celui qui a fait Torchwood, il a fait Queer as Folk, il a fait A Very English Scandal avec Ben Whishaw, je t'aime, et Hugh Grant l'année dernière, il a vraiment écrit plein de trucs, et c'est un putain de scénariste. Et donc, faut pas avoir peur de ça, mais c'est vraiment on adore suivre cette famille en fait, et on peut s'identifier très facilement à ces personnages. Mm-hmm. Et puis tu vois leur évolution, que ce soit positif ou négatif, et c'est vraiment, c'est pas d'un épisode à un autre, ils vont plus du tout être les mêmes. Tu vois vraiment le changement au fur et à mesure des années, parce que Years and Years, ça porte très bien son titre, et des enfin, tu vois les scènes clés. Tu comprends que ça va partir en couille, ça va partir comme ça, et puis en plus, c'est des putains d'acteurs et d'actrices et ils jouent tous. Là, il y a le mec qui jouait dans le Premier ministre dans Black Mirror, justement, qui est un personnage que j'ai adoré détester. Oui, et qui joue Pietré dans Utopia. Ok, je n'ai pas. C'est lui qui respire très fort et qui a sa veste en cuir jaune. J'ai pas vu Utopia. Si vous avez vu Utopia, vous voyez c'est qui. Et du coup, c'est un tout autre personnage et c'est hallucinant ce qu'il fait. Ouais, le cast est fou. Il y a Emma Thompson qui joue une Theresa May, Marine Le Pen-like, qui est détestable mais qui joue tellement bien. Et oui, c'est très cool. Désolée, j'ai un peu empiété sur ta reco. Est-ce que t'as une autre recommandation? Toy Story 4. Ah bah oui. Parce oui. que voilà, on adore les jouets, on adore Pixar. Ah oui, on l'a vu. Et voilà, alors bon, moi je l'ai vu. Et on adore Keanu Reeves. On adore Keanu Reeves, on va le voir en version originale, mais moi je l'ai vu en version française. Elle est bien la VF ? Oui, c'est. Alors bon, voilà, Richard Darbois, tout ça dans mon cœur. Angèle, elle est. Alors franchement, j'ai un peu ragé parce qu'il y avait Angèle, elle est superbe. Elle est vraiment superbe dans son personnage. En même temps, elle a une belle voix, Angèle. Ouais. Donc, même Jamel et Franck Gastambide, ils sont. En fait, ils font pas trop d'impro comme. Enfin, Jamel Debbouze, il fait pas beaucoup d'impro comme d'habitude. Donc, il fait pas du Jamel Debbouze. Voilà, il reste dans son personnage et c'est très drôle. Enfin, voilà. Un des gros points positifs de Toy Story 4, c'est les personnages de Lapin et Poussin. Oui, qui m'ont fait hurler de rire pendant tout le film, vraiment. En fait, c'est une suite. S'il l'avait pas fait, ça aurait pas été grave en fait. Elle est pas indispensable. Bah, clairement. En revanche. C'est très efficace et je dois avouer que les 10 dernières minutes du film m'ont fait éclater en larmes d'une manière d'une manière particulièrement violente en plus. Ah oui. Oula. Non, le film n'est pas violent mais quand c'est le moment émotion, j'étais pas prêt, j'avais pas ma petite ceinture de sécurité. Ouais. T'avais pas ta couverture de choc. Préparez-vous à pleurer beaucoup. Et ben je me prépare parce que moi je l'ai toujours pas vu mais j'ai très hâte de le voir. Moi ma recommandation, j'en ai deux en fait. C'est deux séries. Alors la première c'est une série américaine qui passe sur FX et sur François-Xavier de Maison. C'est lui le réalisateur de... Non, qui passe sur, FX. Je vois François-Xavier de Maison dans la série dont tu vas parler. Non, ce serait... Il faut tellement faire un montage. Et qui passe sur MyCanal aussi, en France, il me semble. Et c'est la série Pause, dont là, c'est la saison 2 qui vient de commencer. Parce qu'elle était en pause, exactement. C'est une série qui parle de... qui suit des personnages dans le... Alors, le personnage de Blanca, de Angel, de Papi... Et de... Alors, c'est pas un grand-père, c'est, c'est Papi, P-A-P-I. Et, et Damon, et plein d'autres personnages, Electra, Candy, enfin plein d'autres personnages. Daredevil. Il y a tout le MCU qui se ramène, enfin tout le MCU raté, tu sais. Et donc, ça suit ces personnages dans les années 80, mi-fin 80 dans la saison 1 et 90 dans la saison 2, dans la culture, enfin dans le je perds mes mots, dans la culture des ballrooms new-yorkais. Donc, forcément, c'est des personnages racisés qui sont soit transgenres, soit homo, soit... Enfin, c'est le grand remplacement de la communauté LGBT, voilà. Bisous, c'était la fin, c'était le mois des fiertés en juin. Et donc, ça suit ces personnages, ça parle de sujets très... très grave, ça va parler du VIH, parce que c'est les années 80-90, c'est le début de l'épidémie, quand on comprenait pas trop ce que c'était, et qu'on mettait tout sur le dos des homos et des personnes trans, et qu'on était en mode « c'est de votre faute, hein, gardez votre peste dégueulasse !» Donc ça parle de ça, mais ça parle aussi d'amour, ça parle de danse, ça parle de communauté, ça parle de famille, ça parle de... enfin... Puis c'est pas... déprimant, ça va être très drôle par moments, ça va être super léger aussi par d'autres moments où tu vas voir des scènes entre ces personnages qui sont pas de la même famille par le sang, mais par comment ils se sont trouvés et leur amour pour les autres, et c'est super touchant. Et puis il y a des jolies paillettes, il y a des jolies tenues, il y a des scènes de danse, et c'est vachement cool. Et là dans la saison 2, c'est dans les années 90, au moment où Vogue de Madonna commence à être connue et tout, et du coup il y a tout le... c'est un peu un turning point, c'est parce que oui je suis bilingue, un peu un turning point de toute cette culture qui devient un peu mainstream, et de comment on va... comment ces personnes qui étaient vraiment des sous-citoyens quoi à cette époque là encore un peu maintenant, mais moins, beaucoup moins heureusement, mais qui vont voir leur culture qui est vraiment à eux un truc un peu communautaire et tout, devenir quelque chose de mainstream, et comment ils vont soit le rejeter en mode non, c'est à nous, on veut pas que les autres l'aient, genre tu sais, le truc de je l'ai connu avant tout le monde, c'est à moi, c'est mon groupe préféré, tu vois. Et à la fois. Je connaissais Black Mirror, c'était cool, hein, c'est pas Jade. C'était mieux quand c'était anglais. Et à la fois, qui voient en ça une opportunité être discriminé, d'avoir une évolution dans leur vie et dans tout ça, quoi. Voilà. Et c'est très bien, et même si tous les sujets un peu graves, entre guillemets, importants, traités dans cette série, vous vous en foutez, mais c'est quand même super beau, c'est super bien filmé, super bien écrit, c'est extrêmement bien joué. J'ai perdu mon casque, c'est extrêmement bien joué, et c'est juste fou comme série. C'est produit par Ryan Murphy, le gars qui avait fait Glee, qui a fait American Horror Story, qui a fait peut-être, je sais pas, je crois que c'est Nip Tuck, ouais, qui a fait American Crime Story, le truc, ouais, sur Versace et tout. Donc quand même, c'est pas un débutant. Et composé du plus grand casting ever de personnes transgenres LGBT+, et aussi dans les scénaristes et les prods et les personnes, l'équipe technique, c'est aussi la plus grande équipe composée, enfin l'équipe composée du plus grand nombre de personnes concernées, en fait. Et du coup, c'est vachement cool, parce que du coup, c'est un rendu... enfin, du coup, c'est des personnes qui ont vraiment vécu des choses comme ça, qui savent de quoi elles parlent, et du coup, c'est super cool. J'ai plus d'adjectifs. Et une deuxième série, c'est une série française Netflix qui s'appelle Family Business, et qui est très cool, et j'ai été étonnamment surprise. Enfin, parce que tu penses série française Netflix, tu penses Planqueur. Marseille ou Planqueur, qui sont deux grosses merdes, j'ai pas peur de le dire. Et j'étais un peu au courant au moment où c'était en train de se faire, des tournages, des trucs techniques et tout. Et j'avais un peu oublié. Et là, elle est sortie la semaine dernière. Et donc, avec Jonathan Cohen, Gérard Darmon, c'est ça. Enrico Macias, improbable. Et la meuf qui joue dans 10%, là, j'ai oublié son nom. Et enfin bref, avec Jonathan Cohen et Gérard Darmon, je pense que c'est l'argument le plus vendeur. Et donc ça parle d'une famille de bouchers. Donc Gérard Darmon, c'est le père, Jonathan Cohen, c'est le fils. Et il veut pas reprendre la boucherie, il veut absolument faire quelque chose d'autre de sa vie. Il essaie de vendre une app, il essaie de faire des trucs un peu d'entrepreneur, start-up nation, quoi. Mais il arrive pas, à chaque fois il se plante, mais il réessaye à chaque fois. Et du coup son père, il est un peu en mode, mais tu vas reprendre ma boucherie. Et lui, il veut absolument pas reprendre la boucherie, jusqu'au moment où il apprend par quelqu'un que la bœuf va très certainement être légalisée en France. Et du coup il se dit, opportunité de business, on va vendre de la beuh, mais comme c'est légal, ben c'est pas un business un peu chelou et tout. Et du coup, on va s'en suivre mille péripéties. Je vais pas vous le spoiler parce que ça vient de sortir et puis. Et que j'en suis qu'à l'épisode 2, donc. Et ben moi j'ai fini et c'est vraiment cool. Il y a 6 ou 8 épisodes. 6 épisodes de 30 minutes, donc ça se regarde assez vite et c'est vraiment très très cool. C'est très drôle. C'est très bien joué, c'est vraiment, c'est pas comédie française super, avec dialogue super écrit, tu sens que le charme de Jonathan Cohen, ouais, voilà, ouais, c'est ça, le mec il est capable de te rendre cool un dialogue ultra dégueu sur des chiens, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, regardez Family Business sur Netflix, c'est très cool. Et eh ben, moi, c'était tout pour mes recommandations du mois de juin. Ah, si, Le Dain de Quentin Dupieux, qui, je pense, n'est plus à l'affiche, mais dès que vous avez l'occasion de le voir, si vous ne l'avez toujours pas vu, ben, allez le voir. Un film de style de malade. Ouais, exactement. Et qui est, à mon humble avis, mieux qu'au poste que j'avais pas trop aimé. Pareil. Et j'ai vraiment retrouvé le Dupieux que j'aime, le Monsieur Oiseau que j'aime. D'ailleurs, une petite note, la musique n'est pas de lui dans ce film. Pour une fois. Et big up à la costumière Isabelle Panetière ou Panetier, je ne sais plus exactement, qui du coup a eu un rôle primordial dans ce film. Et donc voilà, on lui fait un petit big up parce qu'elle est trop souvent oubliée. C'était tout pour le rattrapage du mois de juin. J'espère que vous avez appris des trucs, que vous avez, ça vous a donné envie d'aller voir les bandes annonces, les séries, les films qu'on vous a recommandés. Ça vous a hypé pour les prochains films du MCU avec potentiellement Keanu Reeves, avec une prochaine série Dune et un prochain Fast qui va arriver bientôt. On se dit à la prochaine fois pour une prochaine émission et à dans un mois pour un prochain rattrapage. Au revoir. Au revoir. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay.